à croire qu'on est trop sur ce sol. Sale, allez saouler, je suis plus le seul. Le cafard, le mal incarné. Le cafard, plus d'insecticides dans mon quartier. Suis-je qu'un parasite? Je croise que des xénophobes, mais pas racistes. Apparemment, je suis le passant qui t'attriste. Y'a des règles écrites qui te réconfortent. Et tout s'y agrippe, faut bien qu'on sorte. Toi, tu flippes à croire qu'on se propage comme la grippe. Entre ton monde et d'où je viens, y'a une flaque. La mer, le teint amer quand je te le flanque. Le cafard, ta France cafarnum n'est plus un coffre-fort. Tu veux qu'on se barre, est-ce que j'ai tort? Tu veux que je te compte ce que je pense quand je les vois mater mes frères à terre? Les critiques à tort, la bestialité dans mes artères. Un terre à mer avec les faits. Littérature avec mes vrais. Ils se limitent à nous voir grouiller. Te disent source d'embrouiller. Pas de solution préconçue comme tes idéaux. Sur le globe de la ville, expérience fait à deux niveaux. Si t'as de la chance ou si t'en as pas, qu'ils nous chassent, mais y'a plus d'appât. Les mecs qui te font peur te font peu. Remarque, te marche dans le fond, vu les si tu peux. Ils nous voient la mode et ils voudraient qu'on disparaisse. Je me fous qu'on se lasse de nous, tu veux qu'on te laisse. Le cafard à croire qu'on est trop sur ce sol. Sale, allez saouler, je suis plus seul. Le cafard, le mal incarné. Le cafard, plus d'insecticides dans mon quartier. Le cafard à croire qu'on est trop sur ce sol. Sale, allez saouler, je suis plus seul. Le cafard, le mal incarné. Le cafard, plus d'insecticides dans mon quartier. Recueil momentané, forcé par l'absence. Lueur éclairant, les pensées de l'instant définies comme son. La mélancolie qui m'anime, vagabonde en série. Distillant une tension, s'assimilant au catacombe. Pas de folklore, reste calme, ma personnalité te parle. Experte en matière de drame, ma plume s'emballe. Expose son récital, exporte l'amertume qui consume mon cœur. Peu fier, parfois amer, assume son caractère. J'apprends à vivre avec la bête qui m'habite. Me déplace en équipe, fais ma place sans bruit. Une fois en place, surgit. Difficile à définir, mon blast jazz, pas synonyme de satire. Attise l'hémoglobine qui glisse sur faciès de ceux qui envisagent d'exhorter la rage qui s'aggrave et se propage lorsque change de visage. Le cafard à croire qu'on est trop sur ce sol. Sale, allez saouler, je suis plus seul. Le cafard, le mal incarné. Le cafard, plus d'insecticides dans mon quartier. Le cafard à croire qu'on est trop sur ce sol. Sale, allez saouler, je suis plus seul. Le cafard, le mal incarné. Le cafard, plus d'insecticides dans mon quartier. Je suis le crevard, mec bizarre et zonard. Tu es le bavard, malgré ton teint blafard. On est des cafards, puis ce n'est pas trop rare. Ils sont des connards, donc on balance notre dard. Ma bouche devient la bombe aérographe. Tu pollues les ondes de ton putain de phonographe. Je te fous le blues, pas celui musical. Pourquoi tu as peur de nos joutes verbales? Sache que j'ai l'immunité contre mon produit bactérien. Et si on a cessé de me dire que sans le bactérien, une obtention dédicacée à ces sales racistes. Quentin de mes congénères perse à l'affiche 369 et 6 insectes qui prolifèrent comme les cafards. Matola, posté là, y'a tous ces gars qui matent la façon dont on rappe et veulent le faire taire. Le cafard à croire qu'on est trop sur ce sol. Sale, allez saouler, je suis plus seul. Le cafard, le mal incarné. Le cafard, plus d'insecticides dans mon quartier. Le cafard à croire qu'on est trop sur ce sol. Sale, allez saouler, je suis plus seul. Le cafard, le mal incarné. Le cafard, plus d'insecticides dans mon quartier.